de 10 musiciens et une danseuse, dans une mise en scène d'Antoine Laprise, Kid Kuna fera vivre sur scène l'intégralité de ce voyage poétique menant sur les routes glacées de l'âme et du cœur pour une dernière fois dans ce concert à grand déploiement. Je traîne mon âme dans le calcium, écris aux gens que je suis mort. Présenté les 29 et 30 janvier à la salle Multi de Méduse. Détails au moimulti.org. Billets en vente sur lepointdevente.com. Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue à l'aérospatiale. Bonsoir, Audrey. Bonsoir, Jean-Tiane. Alors, ce soir, je vais faire l'animation au micro pour cette édition du 19 janvier. On va commencer par recevoir Ariane Plante pour parler de la programmation du Mois Multi qui a été dévoilée jeudi dernier, le 14 janvier. Ensuite, en chronique, Andréane Lesage va venir nous rejoindre. Elle nous avait proposé d'aborder le métier de guide-interprète un peu dans la foulée, si on veut, des différentes décisions qui ont été prises par la Ville de Québec au cours des dernières semaines concernant le métier de guide. Donc, on va y revenir un peu plus tard avec Andréane Lesage. En deuxième partie d'émission, Fanny Hénon-Lévy nous présente une chronique sur l'exposition de Maxime Bruno présentée à l'Œil de Poisson. Donc, une exposition qui dialogue bien avec l'exposition de Gino Quentin qu'on a reçu la semaine dernière. Donc, on l'a mandaté pour aller voir ces deux expositions-là. Et en fin d'émission, Audrey, tu nous dresses un aperçu des nouvelles publications des magazines S, Ciel Variable et Inter. Oui, en primeur, à part de ça, pour deux d'entre elles. Oui, en primeur, exactement, parce que il y a certaines publications qui n'ont pas été encore lancées. Donc, les lancements sont prévus cette semaine et la semaine prochaine. Vous pouvez nous visiter sur notre page web, le www.laérospatialecKRL.wordpress.com. Visitez notre page Facebook pour avoir plus d'informations à propos des émissions. Donc, à chaque semaine, on publie nos émissions en balado-diffusion. On met également les actualités en art visuel. Donc, toutes les expositions, les événements sont disponibles sous l'onglet « Actualités » sur notre page web. Et quelques billets également publiés par nos collaborateurs, sans oublier la sélection audio de Simon Roy. Et parlant de la sélection audio de Simon Roy, cette semaine, Simon nous propose quatre titres de l'artiste Frank La, donc un artiste viennois qui nous fait une espèce de trip-hop un peu planant, donc de l'album Tokyo Tape, donc qui est un EP. Donc on va partir en pause audio. It's Frank. Tokyo. Alors, c'était donc Frank là, proposé par Simon Roy. Bienvenue, re-bienvenue à l'aérospatiale. Nous avons avec nous Ariane Plante. Bonsoir Ariane, ça va Allô, bien? Allô, oui, ça va bien. Vous? Oui, oui ça va bien. Oui. donc, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission pour nous parler cette fois-ci de la programmation complète du mois multi qui a été lancé la semaine dernière. Une programmation très dense. Beaucoup de propositions. Je pense qu'il y a une quarantaine de... Oui, on les comptabilisait. Il y a 40 œuvres au programme en entier qui sont proposées, là, quand on inclut les œuvres web, les œuvres audio. Et, alors, 40 œuvres, c'est quand même un festival bien dense. On est sur un mois, là, donc on a le temps de prendre le temps de tout voir, là, mais oui. Oui, donc c'est sûr qu'il y a des œuvres qui prennent moins de place, d'autres qui prennent plus de place, mais c'est quand même un nombre qui est assez important. Et puis, j'ai remarqué en parcourant la programmation qu'il y a plusieurs de ces œuvres-là qui se penchent un peu sur l'exploration du territoire, les mouvements migratoires. Donc, par exemple, les œuvres de Christian Calon, Stéphane Conford, le jeu de loi de Patrice Coulombe, Caroline Garnier, et puis également l'exposition de Patrick Beaulieu au lieu. Mm. De quelle façon ces thématiques-là participent, d'après toi, de cette idée du réenchantement du monde que tu explores dans ton commissariat? Bien, cette année, en fait, c'est un peu un hasard qu'il y ait plusieurs œuvres qui se penchent sur la migration. Je l'ai remarqué après avoir fini d'attacher la programmation, mais c'est vrai. Puis il y a même une œuvre web de Natalia Petkova qui se penche, qui s'intitule Une colonie, puis qui se penche sur la vie des monarques. Dans le fond, elle a enregistré les monarques en transformation, donc de la chenille jusqu'au papillon. Mais effectivement, ben, je crois que pour moi, comment est parti pour réenchantement, tout d'abord, c'est une manière d'aborder le monde qui nous entoure, puis de l'observer, d'observer, moi j'appelle ça le réel. Certains ont un bémol par rapport à cette manière que j'ai de le nommer, mais dans le cas de Patrick Beaulieu avec Dérive continentale, c'est vraiment pour moi une approche du réel qui est assez hors du temps, c'est-à-dire qu'on parcourt toujours des territoires en étant pressé, la 20 entre Montréal et Québec, ou en tout cas en avion entre les pays, entre les continents, et lui, il décide de l'aborder d'une autre manière, donc de s'asseoir dans un kayak en bois dans lequel il va presque pas pagayer, il va se laisser guider par les courants des cours d'eau entre le sud du Québec puis New York, donc le fleuve Hudson. Pour moi, c'est une manière d'observer le réel qui se distingue vraiment de notre rapport au monde quotidien. Donc, c'est toutes des œuvres qui nous amènent à s'arrêter puis à le regarder dans un esprit plus de lenteur, d'attention. Et de hasard aussi, parce qu'il se laisse porter, si on veut, oui. par les rivières, par le courant, par... Oui, vraiment, dans ce cas-là, puis même Caroline Gagné, Patrice Coulombe aussi, il y a une... Bon, pour le spectateur, on pourrait appeler ça une forme de hasard. Ce sont des algorithmes qui guident l'apparition des images, des voiliers d'oie. Mais il y a aussi cet esprit de hasard. On ne sait jamais quelle trace ça va laisser. D'une séquence musicale à l'autre, le dessin ou le tracé ne sera pas le même, va garder la mémoire des derniers tracés. Donc, leur succession va toujours entraîner des nouveaux motifs. Donc, il y a vraiment cette manière de regarder le monde qui nous entoure un peu différemment, puis c'est un peu un hasard s'il y a eu les œuvres autour de la migration, mais en même temps, un hasard et non, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à ça, donc naturellement, je suis allée vers des œuvres qui s'attardaient à cette notion de territoire, de parcours de territoire, de se réapproprier ces espaces-là aussi. C'est un rapport sensible avec les lieux dans lesquels on se trouve. Oui, oui, c'est ça. Tous ces artistes-là, qu'on pense à Christian Calon, qui a parcouru... Les grands bassins versants du Canada, lui, c'est sûr que c'est une approche sensible et sentie du paysage, donc pas seulement son observation, mais sa transcription sous forme de signes sonores, prendre les formes du paysage. En fait, lui a capté des milliers d'heures d'images qu'il captait lui-même assis dans sa petite voiture. Il s'était bidouillé un petit système, puis c'est une caméra qui sortait par le toit ouvrant, puis il captait lui-même les images. Fait que ça donne lieu à un road movie, mais en plus, il a écrit la trame sonore à partir des formes du paysage capté, donc c'est vraiment une transcription très sentie de ce qu'il a pu observer avec ses yeux, puis qui nous permet de voir par son film Installation, donc c'est Continental Divide, le titre de son œuvre. Alors oui, c'est ça, une approche sensible, je dirais, c'est bien vu, oui. Il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué quant à la programmation, c'est que le mois multi nous a beaucoup habitués à une programmation très internationale, avec beaucoup d'invités provenant d'Europe, des États-Unis, des premières américaines, des choses comme ça. Et puis, pour cette édition, on remarque qu'il y a beaucoup plus d'artistes québécois, d'artistes canadiens dans la programmation. Je me demandais si c'était une décision qui était volontaire ou si c'était au cours de la sélection, que c'est quelque chose qui s'est dessiné par rapport aux différents choix que tu as fait. C'est plus quelque chose qui s'est dessiné au cours de la sélection, puis qui c'est pas une volonté parce qu'on demeure un festival international, on veut l'être aussi. Bon, chaque année, c'est sûr que les budgets sont aussi des facteurs de contraintes là qui font. Mais bon, le budget est le même que l'année dernière, mais ce que je dois dire aussi, c'est que je suis entrée en poste peut-être au mois de mai. Donc, j'avais plus ou moins quatre mois pour constituer une programmation de cette ampleur-là. Fait que c'est certain que dans ce salon, on n'a pas le temps de faire la prospection internationale. C'est certain que les prochaines années vont nous réserver plus d'artistes internationaux peut-être que cette année parce que c'est un volet vraiment important qu'on veut continuer même de développer. Donc, puis on a un des artistes internationaux qu'on avait au programme qui a été annulé cette année. Donc ça fait partie des risques et des... Ça fait partie des imprévus avec lesquels on doit composer, mais c'est probablement plus une histoire de choix aussi et de temps imparti. On me disait que c'est un peu une édition transitoire, je sais, parce que bon, c'est ma première, je suis arrivée il y a même pas un an et tout ça, donc les prochaines, j'aurai probablement le temps de développer le réseau international, de poursuivre ce développement-là. Donc une question de temps, beaucoup... C'est ça, c'est pas une volonté là, en tant que telle, c'est vraiment une question de temps, puis effectivement de choix. Il y a beaucoup d'œuvres ici d'artistes au Québec qui ont envie d'être présentés. Le réseau en art multi et électronique n'est pas si grand que ça sur le territoire local, donc voilà. Il y a quelque chose dont on sent la volonté, par contre, dans ta programmation, c'est ce désir-là d'investir les lieux de la coopérative Méduse, donc notamment avec les cabarets mobiles qui s'installent un peu partout dans Méduse, les présences invisibles, les trois œuvres web qui sont présentées dans le hall d'entrée. Peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a amené à proposer des œuvres comme ça, puis c'est quoi les différents défis que tu as eu à relever pour proposer des œuvres dans des lieux qui sont pas nécessairement faits pour diffuser des œuvres? Il y a pas eu, pour le moment, on n'a pas vécu trop de défis parce que c'était plus d'instaurer le partenariat, puis tout le monde s'est montré très ouvert, que ce soit à l'œil de poisson, à Méduse même. Les défis, on va les vivre, je crois, au quotidien, pendant le festival, sur le terrain, avec la production, j'ai l'impression, mais ça va se faire assez bien parce que les cabarets mobiles, c'est des formes courtes, les artistes connaissent les contraintes avec lesquelles ils vont devoir travailler. On va bien vivre avec ça. Puis ce désir-là, il vient... peut-être de ma pratique même, je sais pas. Moi, j'aime bien cette idée d'aller dans des lieux où il n'y a pas de présentation d'œuvres naturellement, des lieux qu'on parcourt tous les jours, puis d'un coup de leur donner une deuxième vie, puis qu'on porte un nouveau regard. Mmh. Ça fait un peu partie du réenchantement aussi, à être amené à vivre un espace d'une nouvelle manière parce que tout d'un coup, il est habité différemment par une forme d'art. Donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Donc, on a très hâte de voir ça, Ariane. Merci beaucoup d'être venue nous parler un peu de la programmation du mois multi ici à l'aérospatiale. Donc, on part encore en pause audio avec Achico, encore de l'artiste Frank La, et au retour, une chronique d'Andréane Lesage. We'll be right back. Alors, de retour à l'aérospatiale avec Audrey Caro et Andréane Lesage. Bonsoir, Andréane. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, Andréane, tu nous as proposé un petit topo, si on veut, du métier de guide, c'est ça? Oui, en fait, l'idée de la chronique m'est venue de la polémique qu'il y a eu la semaine dernière autour, bon, de l'abolition de la formation obligatoire là, pour les guides touristiques de la Ville de Québec, parce que, bon, jusqu'à présent, ça prenait un minimum de 150 heures de cette formation-là qui était offerte par, entre autres, le Collège Mercy pour pouvoir avoir un permis de guide touristique à Québec. Donc là, c'est ça, il y a eu beaucoup de réactions de la part du milieu touristique, mais même d'organismes à l'international, ce qui a fait même reculer la ville. En fait, là, pour le moment, le vote sur le règlement est suspendu. Donc, ils vont étudier comme il faut la situation avant ça, parce que les impacts de ça, c'est tout simple. En fait, à peu près n'importe qui, sans formation, pourrait offrir des services de guide. Oui, puis Québec étant une ville de l'UNESCO, de patrimoine reconnu, puis je veux dire, on le sait aussi des fois par... quand on passe sur le trottoir, on peut entendre des fois des aberrations sur ce qui se passe. Oui. Des faits historiques, finalement, que t'es comme, mais non, c'est pas ça pantoute. Puis les touristes se font un peu raconter des fois des bobards un peu, là. Oui, tout à fait. Donc, il y a une certaine responsabilité, en fait, de la part de la ville de respecter ce patrimoine-là. Et puis, faut dire que le permis de guide est obligatoire pour pouvoir faire des visites guidées dans la Ville de Québec. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est sûr que moi, je suis depuis 4 ans et demi guide au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Puis l'idée aussi, c'était de rattacher, évidemment, le métier de guide aux arts visuels, puisque l'aérospatiale couvre ce domaine-là. Donc, en fait, c'est ça, ça m'a donné l'idée tout simplement de parler de ce métier-là, parce que ça m'a fait réaliser que les gens méconnaissaient le métier, et même que c'était un métier sous-estimé, en réalité, parce que, j'espère que je vais réussir à vous le démontrer, ça prend quand même plusieurs aptitudes pour être guide, et pas des formations, ça c'est évident, mais même plus que ça, je vous dirais. Donc, voilà, en fait, peut-être commencer avec un peu ce qui est le sommaire des responsabilités d'un guide dans un musée d'art. Hein? Des guides vont être sous la supervision d'un responsable qui va créer les contenus de médiation, mais eux devront faire les visites et les animer aussi, ainsi que d'autres activités d'ailleurs là, qui peuvent avoir lieu au musée, autant auprès d'une clientèle qui est francophone qu'anglophone. Et évidemment, ça va plus que transmettre un contenu, il faut aussi répondre aux questions des gens là, après les visites commentées, donc avoir une connaissance élargie finalement de ce qu'on présente. Et c'est une clientèle qui est très variée. Là, je vais m'attarder plutôt à l'équipe de guides grand public, puisqu'il y a vraiment une équipe de guides aussi au musée qui est spécialisée pour le primaire et le préscolaire. Donc, encore là, ça montre la volonté aussi de s'adapter finalement au type de clientèle qu'on a devant soi. Donc, pour ce qui est des guides de grand public, eh bien, ça couvre très large. On a d'abord tous les groupes scolaires. Ça va du secondaire au collégial, universitaire. Grand public, bien ça, ça inclut tout le monde qui se présente au musée pour une visite guidée. Les clubs sociaux. Sociaux, voilà, des entreprises parfois, après des réunions. Ça peut être aussi des groupes qui sont avec des organismes, par exemple des gens à mobilité réduite, des gens qui ont aussi des handicaps physiques ou même des déficiences intellectuelles. Donc, il faut être capable de s'adapter finalement à toutes ces clientèles-là, parce qu'on n'a pas une formation différente là au niveau du contenu pour chacune de ces clientèles. Donc, ça prend tout ça. C'est plutôt les responsabilités. Maintenant, pour ce qui est d'une formation justement au musée, je pense que c'est important d'en parler, puisque c'était un peu le nœud de la polémique de la semaine dernière. Bien, pour former un guide au Musée national des Beaux-Arts du Québec, on évalue qu'une formation totale, ça prend à peu près un an. Un an parce qu'il faut avoir une bonne maîtrise de toutes les expositions qui sont offertes au musée, donc les expositions permanentes, mais même des visites qui sont faites sur mesure. Donc, une visite qui se donne à la prison de Québec, qui est un des pavillons du musée. Il y a aussi une visite qui couvre l'ensemble des collections, donc la balade dans la collection du musée. Et faut aussi ajouter à ça une formation continue parce que les expositions roulent. Hein. Il y en a environ 2 à 3 même par année qui sont sujets aux visites commentées. Donc, il faut à tout moment, justement, re-suivre des formations. Pour une exposition, j'ai fait le détail de ce que contient une formation. Donc, ça commence évidemment par une visite des salles d'exposition avec le commissaire quand c'est possible, pour pouvoir poser nous-mêmes les questions au spécialiste qui a conçu l'exposition. Ensuite, bien, la lecture de toute la littérature autour de l'exposition, le catalogue, les textes didactiques en salle aussi. S'il y a un audio guide ou un média guide qui est pensé pour l'exposition, on va lire la transcription ou écouter justement la narration. Ensuite, il faut étudier le scénario de visite qui est donné, donc la sélection d'œuvres à aborder avec point par point ce qui est pertinent par rapport à ça. Et il y a l'étude complémentaire, donc comme je disais tout à l'heure, pour être en mesure de répondre aux questions des gens. Et ça, c'est quelque chose qui se poursuit tout au long de l'exposition parce que souvent, en donnant des visites, bien, on a des réactions des gens et on se dit « Ah, mais ça, ça n'a pas été expliqué dans le catalogue. » Donc, il faut aller creuser justement un peu autour. Donc, oui, puis si tu me permets, Jean-Tiane, aussi, souvent, ce que les gens réalisent pas, c'est que, par exemple, quand c'est une exposition, bon, monographique sur un artiste, ça va. On peut aller chercher sur la vie de cet artiste-là. C'est plus facile que quand c'est une exposition collective où on a plusieurs artistes qui s'y trouvent parce que, finalement, les gens souvent nous posent des questions sur un artiste, mais il y en a peut-être 25, donc il faut apprendre un peu de la biographie, du parcours. Donc, c'est vraiment beaucoup. Les gens, des fois, ne le réalisent pas, mais c'est beaucoup, très demandant aussi quand on est plus dans des expositions là ou qui regroupent de nombreux artistes. Effectivement, ça arrive souvent. Je pense un bon guide aussi va vous dire « je sais pas, j'ai oublié ou je n'ai pas l'information » quand c'est le cas. Il va avoir l'honnêteté de le dire qu'il n'y a pas l'information plutôt que d'inventer quelque chose. Tout à fait. Dire « il me semble que », mais des fois, c'est impossible d'avoir tout ce contenu-là en tête, évidemment. Je pense un bon exemple, c'est l'exposition en cours actuellement, Passion privée, qui a vraiment beaucoup d'artistes représentés. Et, bon, justement, j'ai donné cette exposition-là, cet automne, quelqu'un m'a demandé « Jean McEwen est né où? » Ben, momentanément, je savais pas. Là. T'sais, sur le coup, là, j'ai été obligée d'aller valider que c'était bien Montréal parce que, bon, des fois, on se souvient où ils ont travaillé, produit. Mais de là à dire où ils sont nés, des fois aussi, c'est des petites attrapes, puis bon, on en échappe, c'est évident. Mais donc, tout ça pour dire que la formation est quand même très laborieuse. C'est quelque chose qui est, constant aussi. Et en plus de ça, bien, il y a des défis, justement, qui sont quotidiens quand on est guide. Des fois, juste s'exprimer devant un groupe, hein, c'est pas évident. Des fois, c'est des grands groupes aussi. Faut être capable d'avoir un bon contrôle de soi, évidemment. Être capable de vulgariser des contenus, des fois, qui sont plus difficiles ou de répondre justement aux questions des gens, mais pour qu'ils comprennent un peu, tu sais, le propos, tout ça. Et de s'adapter, justement, aux connaissances des gens qu'on a devant soi. Et ça, c'est un défi aussi même dans des visites ouvertes à tous, parce qu'on a des gens, là, qui ont des fois des doctorants en histoire de l'art et d'autres que, ben, c'est leur première visite au musée. Et on veut que ces gens-là repartent avec une expérience positive de leur visite, les deux. Donc, il faut être capable, justement, de s'adapter à tout ça. Et ça demande justement plusieurs qualités comme la confiance en soi, facilité à s'exprimer justement, curiosité aussi parce qu'il faut continuer à s'informer toujours pour élargir notre connaissance par rapport à ces contenus-là. Ah, moi, je trouve ça super enrichissant aussi comme métier parce qu'on apprend tellement de ça. Ben, je dis « on » parce que on a déjà été collègues, Andréane, au musée, justement. Mais c'est ça aussi, c'est le plaisir constant de toujours se garder un peu à l'affût, surtout en la spécialité du musée l'art du Québec. C'est intéressant, mais aussi des fois de maîtriser des contenus qu'on n'aurait jamais soupçonné, apprécié, connaître. Tu sais, je pense par exemple à du Gréco à Dali. Ben moi, on couvrait beaucoup d'artistes espagnols finalement. Puis, je veux dire, moi, c'est des notions. Il faut aller dans le contexte social pour comprendre aussi des fois le contexte de création de ces œuvres-là aussi, ou du moins ce qui est représenté aussi dans l'œuvre. Enfin, en tout cas, c'est très enrichissant aussi, très formateur pour le guide en même temps, des connaissances élargie, là, intéressante à avoir. Tout à fait. C'est vraiment un métier dans lequel on a besoin de toujours alimenter sa culture générale pour... Puis justement, c'est les questions. Les questions des visiteurs qui allument des étoiles, qui viennent nous dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça » parce que on n'a pas la même curiosité que tout le monde a des curiosités différentes et puis ça nous amène à pousser un peu plus d'un côté ou de l'autre. Là, moi aussi, j'ai été guide pendant quelques années puis c'est très stimulant en fait. Oui, ouais. Oui, oui. Le contact avec les gens puis de voir aussi l'étincelle dans le visage des gens quand ils sortent content puis dire hey, j'ai appris quelque chose aussi dans cette visite. Oui, c'est un service très apprécié. Puis oui. De là aussi l'importance de garder un standard de qualité élevé, parce que c'est de respecter les gens que de bien les informer, justement. Exact. Puis ça permet aussi à des gens qui ont un intérêt, bon, en histoire de l'art ou dans d'autres domaines, en histoire aussi, d'avoir des travaux stimulants, comme vous dites, qui leur permettent d'être vraiment les deux pieds dans la matière qu'ils ont choisi, souvent d'étudier à l'université, parce que la majorité des guides, en tout cas du moins actuellement au musée, c'est des gens qui ont au moins un baccalauréat en histoire de l'art ou des études universitaires là, là-dedans, des cours ici et là. Donc, voilà. Je vous remercie. Mais merci beaucoup, Andréanne. C'était très intéressant comme, comme petit topo sur, sur le métier de guide. On va suivre ce dossier-là à la Ville de Québec, ce fameux moratoire de dernière minute. Donc, d'ici un an, la Ville de Québec va avoir à se positionner par rapport à l'octroi de permis aux guides qui font des visites dans la Ville de Québec. Et sur ce, on part en pause publicitaire et on vous revient après la pause avec Fanny Hénon-Lévy en chronique. CKRL 89.1. Alors, de retour pour cette deuxième demi-heure de l'émission L'aérospatiale, j'entienne la France au micro et je reçois Fanny Hénon-Lévy qui est allée voir l'exposition de Maxime Bruno, en fait les expositions de Maxime Bruno et de Gino Quentin à l'œil de poisson. On a reçu Gino Quentin la semaine dernière, mais je trouvais que ces deux expositions-là dialoguent très très bien, donc je t'ai demandé d'aller les voir ensemble. Alors comment t'as trouvé ces expos-là, Fanny? Oui, alors bonsoir à vous deux, Audrey et Jean-Tiane. Oui, le retour d'Audrey. Alors oui, effectivement, j'ai été explorer du côté de l'œil de poisson. Deux expositions vraiment intéressantes. Celle de Maxime Bruno, tu l'as dit, qui s'intitule Jungle Trouble, qui est déjà en partant un nom intéressant. Alors on arrive dans cette petite, c'est la petite galerie qui est sur le côté, et Maxime nous invite à une installation. En fait, on a plusieurs œuvres, mais il a travaillé l'espace comme une œuvre d'art. À la fois, le corpus d'œuvres fait, à mon sens, créer une œuvre en soi, et chaque œuvre peut se regarder individuellement également. Donc ça c'est l'aspect qui pour moi est intéressant. Maxime travaille sur la collecte d'objets. On a une profusion d'objets complètement éclectiques qu'il a chiné dans des bazars, dans des ventes de garage, qu'il a dû récupérer dans des caves de ses grands-parents, des objets qui qu'on a vu nous-mêmes ou en tout cas dans la mémoire collective qu'on a vu d'une certaine manière, et ils s'amusent à les hybrider, à les détourner. Il est collectionneur compulsif, puis il brique. On est vraiment dans le bricolage, dans le jeu, le ludique est vraiment à l'horizontale, j'ai envie de dire, dans cette expo-là. Le côté ludique et en même temps kitsch, si vous allez voir cette expo là le kitsch est là. On est dans le dada également, le kitsch, parce que il y a des palmiers, le côté exotique, le rêve un peu superficiel, bariolé. J'aime bien ce mot bariolé parce que je trouve que ça définit bien son travail. C'est bariolé, non pas dans le sens négatif, mais très coloré, très kitsch, mais à son sens plein, c'est-à-dire qui va puiser dans différentes influences. J'ai trouvé qu'il hybridait autant au niveau des matériaux, des objets, de sa façon de détourner les objets, que dans ses influences aussi. Il va vraiment puiser. On est dans l'art populaire, donc dans le pop art, dans le kitsch, dans le dada aussi, dans sa manière d'assembler un peu de manière absurde, et puis inattendu aussi, des objets qu'on n'attend pas ensemble. Bon, il les assemble, puis il rajoute des mots à ça, des exclamations, etc. Donc on est vraiment c'est ça, dans une expo qui se prend pas la tête, qui est très ludique, qui fait sourire, qui est un peu insolente aussi, et qui se répond bien, tu l'as dit, qui répond bien à l'expo de Gino Quentin. Avec une esthétique complètement différente. Gino, il propose un travail, c'est hyper léché. Il nous invite avec des œuvres 2D, donc des œuvres qu'il a fait, vous l'avez dit la semaine passée quand vous l'avez interviewé, avec des œuvres encadrées qui patentent par ordinateur, et qui invitent, il l'a dit lui-même, je l'ai capté, j'ai eu la chance de le croiser quand j'ai été visiter, il l'a dit en expliquant son travail, il a dit je les voyais, ces œuvres-là, comme des hors-d'œuvre. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que effectivement elles sont un peu en dehors de ce travail sculpté qu'il donne à voir dans la salle d'exposition, et en même temps elles sont une invitation à entrer et à aller un peu plus loin dans son univers. Une mise en bouche. C'est une mise en bouche. Alors le lien entre ces deux propositions, c'est le kitsch, c'est l'assemblage, c'est l'hybridation, c'est l'humour aussi. L'humour est vraiment là, le second degré est vraiment là. Il y a une question philosophique que moi je relève. Je ne sais pas si Maxime et Gino ont travaillé vraiment sur ces questions-là, mais est-ce que l'art a toujours besoin d'être sérieux? Est-ce que on est toujours obligé d'aller dans des conventions, dans une image très très sérieuse? Et moi, j'ai l'impression que le fait de détourner, de jouer avec les matériaux, d'assembler parfois de façon très réfléchie, parce que il y a quand même dans ces œuvres-là, il y a quand même très peu de hasard. On sent bien que les matériaux sont maîtrisés. Parfois, ça a l'air vraiment bricolé, mais je pense qu'il y a une recherche aussi dans ce sens-là. C'est ça. Est-ce que l'art a vraiment besoin d'être toujours un lieu de parole sérieux, philosophiquement, sur la condition humaine qui cherche à changer le monde, ou c'est ça, ou alors est-ce qu'il peut lui aussi s'amuser, il peut aussi proposer, faire une proposition qui fait sourire, qui va chercher justement dans l'imaginaire et dans l'image collective, j'ai envie de dire populaire, non? Alors c'est ça, mais il y a beaucoup à dire, on peut développer. Mais ce qui est intéressant avec l'humour aussi, c'est toute cette question de la déstabilisation. On est comme un peu, c'est comme si on dérapait, c'est comme si on dérape sur une plaque de glace quand on se retrouve devant quelque chose qui a un côté humoristique. On est comme un peu déstabilisé, on essaie de se rattraper, ce côté-là est quand même très présent dans les œuvres. C'est des œuvres qui sont intrigante, même si ça va chercher dans des références qui sont assez simples, on est toujours un peu intrigué. Les œuvres de Maxime Bruno, on se demande où est-ce qu'il les a trouvées, où est-ce qu'il Oui, parce que c'est vraiment un, c'est un, c'est un univers de brocante. Oui, il y a une profusion là de matériaux, mais ça, c'est ça, en lien avec ce que tu dis, il y a l'effet de surprise. L'effet de surprise, moi, je l'ai vraiment vécu fort avec les propositions de Gino Quentin, parce que il y a vraiment la question de la mise en scène. Il y a une œuvre en particulier, c'est un plongeon avec deux pieds dessus. C'est très simple, faut lever la tête, c'est vraiment contrebas, mais ces deux pieds, on les voit déjà nous plonger dessus. Et c'est cette œuvre-là qui m'a vraiment fait sentir cet univers aquatique, et avec beaucoup d'humour, parce que c'est parcellé, on a des bouts comme ça, on a une tête qui est posée là, on a le pied en l'air. Alors est-ce que ce corps-là, c'est complètement démembré à la création, et en même temps il va puiser dans des questionnements sérieux aussi. Il s'intéresse aux images iconoclastes, il s'intéresse aussi à la mythologie, il y a aussi une profondeur dans ce travail-là. Donc ça, c'est aussi il y a plusieurs couches finalement. Oui, mais j'ai vu dans son personnage cette espèce de mannequin, des références à Dante par exemple, des choses comme ça. Donc Gino va chercher dans des mythes, des légendes qui sont millénaires aussi là. Oui. Pas seulement que dans les objets un peu kitsch qui proviennent encore une fois probablement de soit des poubelles, soit des brocantes, hein, c'est des objets très pauvres, des matériaux très pauvres que Gino Quentin utilise. En tout cas, je vous invite à aller les voir. Oui, ça vaut la peine, vraiment, là, de faire le saut, le parallèle entre les deux. Là. Ben, en tout cas, on l'a bien démontré, je pense, ici, ouais, que amusez-vous. C'est rafraîchissant. Tout pour fait. Le mois de janvier, comme tout ça, là, ça met un peu de couleur, un peu de soleil dans notre journée, fait que ça vaut la peine d'aller si faire si vous pouvez pas tours. Aller dans le sud, allez voir l'expo de Maxime Bruno. Oui, avec les belles couleurs de la murale de... Olivier Dessert. Olivier Dessert, donc, qui est visible de la Côte d'Abraham, donc un très beau trio, donc très bien ficelé, qui est présenté en ce moment à l'œil de poisson jusqu'au 14 février 2017. Jusqu'au 7. Oui, jusqu'au 7. Jusqu'au 7, je me suis trompée. Donc, jusqu'au 7 février 2016. Merci beaucoup, Fanny, pour Ça ta fait chronique. Plaisir. Donc, on s'en va en pause audio. On va écouter la pièce Shinkansen, toujours de Frankla. We'll be right back. Alors, de retour avec Jean-Tienne Lafrance et Audrey Caro au micro de l'Aérospatial, le magazine dédié aux arts visuels dans la ville de Québec. Donc, pour cette dernière partie de l'émission, Audrey, tu m'as proposé de faire un topo de des nouvelles éditions de revues dans le monde des arts visuels au Québec. Oui, exact. Ben, à vrai dire, j'ai pas pu couvrir toutes les nouveautés, mais on aura peut-être l'occasion de le refaire plus tard. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler de Inter, Ciel variable et de S. Puis comme je le disais en début d'émission, là-dessus, il y en a quand même deux en primeur pour vous ici que j'ai eu l'opportunité de feuilleter et de regarder. Donc, j'espère vous donner le goût d'aller les lire parce qu'honnêtement, il y a de très bons dossiers là, qui sont traités cette nouvelle mouture là, de revue. Alors, peut-être que je vais commencer avec Inter, bien sûr, cette revue qui est éditée à Québec par Le Lieu. Inter qui nous propose cette fois-ci, dans son numéro 122, un numéro sur l'affirmation autochtone. Parce que, à vrai dire, ce dossier-là fait suite à une publication qu'ils avaient faite à l'hiver 2010, donc le numéro 104, qui était sur les Indiens. Ça s'appelait Indians. Et dans le fond, c'était un peu pour parler de la situation de l'art autochtone à la fois au Québec, au Canada et dans les Amériques, donc du Nord, central et Amérique du Sud. Et c'est un numéro qui est presque épuisé, voire épuisé aussi là depuis, donc ça fait 6 ans. Et ben voilà, on avait envie de parler à nouveau d'art autochtone, mais cette fois-ci un peu dans cette espèce de lancée d'événements médiatiques hein, qu'on constate depuis quelques années déjà et très récemment aussi. On parle beaucoup des Autochtones dans les médias de plus en plus. Oui. Puis notre regard aussi sur les Autochtones change également. Et donc, on pense bien sûr à l'actualité, là la commission sur les femmes autochtones enlevées ou assassinées. Les manifestations du mouvement Idle No More aussi. Exactement. La commission Vérité-Réconciliation là, sur les pensionnats indiens également. Donc, il y a tout ça aussi qui a fait beaucoup jaser. Et on avait envie aussi de montrer comment il y a eu dans les dernières années une affirmation autochtone sur le plan des arts. Notamment, que ce soit au plan de la musique, les films, la littérature et les arts visuels également aussi. Plusieurs Autochtones ont remporté dans les dernières années, et ce même tout récemment, des prix importants, que ce soit pour les arts visuels, le prix Sobé notamment, qui a été remporté en 2014 par Nadia Mir, qu'on connaît pour ses, notamment, en tout cas moi ce que je connais beaucoup, c'est broderies de perles. Ses broderies de perles sur des textes de loi, notamment sur la loi des Indiens. Oui. Donc, c'est assez intéressant qu'on pense à Kent Mockman, cet artiste montréalais aussi, qui fait beaucoup jaser, qui a une approche très contemporaine aussi de la vision de l'Autochtone également. Donc, très intéressant. Euroma Awashish, qui est une jeune artiste en performance également. Donc, ce sont tous des artistes qui vont être traités ou abordés dans tout ça. Donc, les articles de ce nouveau numéro traitent notamment d'expositions ou d'événements qui ont eu lieu, que ce soit au Musée des Beaux-Arts du Canada, au Musée d'art contemporain de Montréal, dans des centres d'artistes, des galeries ou un peu partout dans le monde, des festivals d'art autochtone également. On met surtout l'accent sur cette dimension positive de la création, de l'expression et de la résistance des Premières Nations et de voir comment l'art contribue activement à l'affirmation autochtone. Donc voilà, c'est un peu ce qui nous est présenté dans ce nouveau numéro qui est à paraître, qui sera lancé, à vrai dire, jeudi le 28 janvier à 17h au lieu. On aura l'occasion de le rappeler un peu plus près de l'événement, mais vous rappelez que le sommaire de cette édition-là est disponible sur le site web du lieu. Par la suite, je voulais vous parler aussi donc de Ciel variable, donc un magazine qui est dédié à la photographie auquel tu as eu l'occasion de participer à titre d'auteur. Hein, j'ai fait quelques articles dans Ciel variable. Donc une belle revue qui nous questionne un peu sur le monde de la photographie, et cette fois-ci, c'est une thématique intéressante qui s'appelle « Si loin, si proche ». Et on parle dans le titre là, de présentation « Ailleurs et pourtant si proche ». Donc, c'est un dossier qui s'intéresse plus largement à toute la question de la mondialisation, comment les frontières semblent s'ouvrir hein, dans le monde, comment on peut voyager et se balader dans le monde, mais comment aussi les artistes peuvent aller dans certains pays et pratiquer leur art avec leur démarche, mais qui a tout à fait sens aussi, même si ça se trouve à 5000 kilomètres du Québec aussi. Par là, je veux dire, dans le fond, c'est par les dossiers, les portfolios qui nous sont proposés. Un exemple là-dedans, Raymond April, une artiste de Québec, justement, sa série d'œuvres récentes, Near You, No Cold, qui est inspirée de multiples séjours qu'elle a fait en Inde, à Mumbai, témoigne de ça, donc l'étrangeté puis l'exotisme de cette culture-là indienne, qui est totalement différente de la sienne, va quand même fonctionner malgré tout par rapport à sa sensibilité pour les proches qu'elle manifeste dans son travail, la poésie du quotidien qu'on retrouve aussi dans son approche. Eh bien, ça se sent au travers aussi de ces photographies qu'elle nous propose, et c'est traité aussi au travers d'un texte très intéressant qui nous est proposé dans la revue. Sinon, il y a également l'artiste Julian Germain, qui présente la série The Future is Ours, Classroom Portraits, qui fait le portrait de jeunes élèves un peu partout dans les classes, mais un peu partout au travers le monde. Et tout ça, ça amène à condenser les similitudes sur le mode de formation des étudiants d'aujourd'hui, même si ça se passe dans des classes un peu partout dans le monde. Et aussi de montrer comment ce lieu où les aspirations à l'université moderne se confronte aux valeurs spécifiques de chaque culture. Donc voilà, puis il y a aussi Carpoolers de Alejandro Cartagena qui est traité également, mais qui lui s'intéresse, et ça va peut-être intéresser certaines personnes ici, au déplacement quotidien pour aller au travail dans les villes. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup des photos qu'il prend de travailleurs, mais qui se transportent de façon un peu illégale dans les boîtes de pick-up, là, donc de camions. Alors voilà, et on a bien sûr sur le vol d'exposition et des articles aussi plus spécifiques sur des événements de photographie, notamment le mois de la photo 2015, Photo Espagna de Madrid de 2015 et Los Largos Nigeria qui serait une nouvelle capitale de la photo. Et je conclue rapidement sur la nouvelle formule de S qui, elle, est en magasin, parce qu'il faut dire CV, ça sort le 22 janvier, mais on peut quand même déjà lire quelques brides de ces textes que je vous ai parlé sur le site. Et S, dans le fond, c'est un dossier sur la géopolitique, les interactions donc entre le politique et le territoire géographique. Et hein, il y a quand même certains regroupements avec celles variables ici, mais on pense tout à la question migratoire hein, qui fait beaucoup l'actualité avec les migrants syriens. Donc, on se questionne sur les questions de frontières et comment les pratiques artistiques vont s'intégrer dans cette question de géopolitique, de territoire. Et aussi notamment par rapport au web également, comment ça se manifeste aussi sur le web. Donc vraiment des articles qui sont très, très intéressants, et également peut-être mentionner qu'il y a couverture d'une exposition de Québec aussi dans les comptes rendus d'exposition. Donc Samuel Roybois qui ouvrait la saison à l'œil de poisson, donc il y a un article sur ça aussi. Et ce magazine de S est déjà en magasin, donc on peut se le procurer dès maintenant et lire aussi des extraits et voir les portfolios accessibles donc sur le site de S. En tout cas, ça donne le goût d'aller voir son marchand de journaux. Oui, effectivement. Donc trois belles revues qui sortent, qui sont sorties ou qui sortent au cours des prochaines semaines. Inter, Ciel variable et la revue S Art et Opinion. Donc on va partir en pause audio et au retour, Audrey, tu vas nous faire un rappel des différents événements à ne pas manquer cette semaine. Donc, on vous laisse avec un extrait de Asahi, toujours de l'artiste Frank La, sur son album Tokyo Tape. Alors, Audrey Carreau et Jean-Tienne La France de retour pour ce dernier segment de l'aérospatial. Donc, on va vous parler. En fait, Audrey va vous parler des différents événements à ne pas manquer cette semaine. Oui, à vrai dire, il y en a trois que j'ai envie de vous parler. Donc, tout premièrement, demain, il y a le vernissage de l'exposition Morceler le paysage, qui est la première expo solo de Audrey Demers-Roberge, qui est présentée au Cercle, hein, sur la rue Saint-Joseph. À vrai dire, c'est une exposition qui ouvre demain à compter de 17h, le vernissage, mais qui se prolonge jusqu'au 7 mars. Et peut-être dire qu'elle aura une activité spéciale cette fin de semaine, dimanche, donc le 24 janvier à 13h. Et c'est avec la Joujoutèque Basseville qui va proposer aux enfants une activité brico-récup inspirée de la démarche de Audrey Roberge. Donc, ce dimanche à 13h, toujours au Cercle aussi que ça va se passer. Sinon, demain soir, il y a aussi une soirée spéciale au Musée national des Beaux-Arts du Québec, la soirée à tout hasard, donc, qui est une série télé de Suzanne Guy qu'on avait reçue au dossier sur l'art public et avec qui j'aurai le plaisir de m'entretenir la semaine prochaine à l'émission, donc soyez des nôtres. Eh bien, Suzanne Guy est en ville pour présenter notamment 4 épisodes demain soir à compter de 19h, donc de cette nouvelle série qui s'intéresse à l'art public. Et c'est une soirée spéciale Ville de Québec, donc les épisodes qu'on va voir vont être consacrés à des artistes qu'on connaît ici à Québec, Jean-Pierre Morin, Ludovic Bonnet, hein, qu'on a eu eux aussi, et Marc-Antoine Côté qu'on a eu au dossier. Diane Landry, Jean-Robert Douillard et BGL. Et on a dit que les artistes seront présents également lors de cette soirée. C'est au coût de 5$ et il y a un cocktail aussi en même temps. C'est à l'auditorium du musée. Et dire qu'il y aura la diffusion... donc, des 8 épisodes à partir de cette fin de semaine, donc du 23, mais on aura le plaisir de s'en reparler. Sinon, je termine très rapidement ce jeudi 21 janvier à 16h30. Il va y avoir une conférence de Adrian Blackwell à la Galerie des Arts Visuels, donc Furnishing Position. Alors, merci beaucoup, Audrey, pour ta présence aujourd'hui à la co-animation de l'émission L'Aérospatiale. Ça fait plaisir. J'aimerais également remercier notre invitée Ariane Plante, commissaire du Mois Multi, ainsi que nos collaborateurs, Simon Roy, Andréane Lesage, Fanny et non Lévy, et sans oublier Jacques Gignac à la mise en onde. Je cède le micro à Pierre Blais et à son émission Situation critique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants.